Bonjour, 8 juillet 2023. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. J'imagine que vous êtes déjà là, mais que on me le montre pas là, parce que YouTube, c'est ça. Ah, bonjour, Chania. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Comme d'habitude, moi, je n'ai pas préparé rien. Bonjour, Geneviève. Donc, bon. Ah, bonjour Valérie. Bonjour Marie-Jeanne. Donc, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des sujets en ce moment? Bon, hier, je suis allé voir, j'ai fait un petit tour, je suis allé voir un petit peu ce qui se passe là, dans certains milieux. Puis, ça n'a pas été long, hein. Je suis revenu à autre chose. Les gens en ce moment, il y en a, ils ont besoin de s'occuper, semble-t-il. Puis ça fait que bon, ils sont en. Je sais pas si vous avez vu là, Monsieur Pilon, il est rendu un peu comme, vous vous souvenez dans le temps là, Herbalife, je sais pas trop. Bon là, c'est rendu des gugus pyramidales de produits naturels. Ben, moi, du coup, je considère ça comme des affaires pyramidales. Tout le temps l'obsession d'embarquer du monde dans des affaires, faire de l'argent. Avec eux autres, dans le fond. Puis là, il met comme argument de vente, c'est rendu au-dessus de 500 000. Ben oui, mais ces affaires-là, c'est au début qu'il faut rentrer, pas quand c'est rendu le même. Ça se peut-tu? En tout cas, bonjour, Mystère Guerrière. François, Radio TV Lab, bonjour. Roselyne, bonjour. Donc, j'avoue que c'est assez ordinaire, ça. C'est assez ordinaire. Des affaires de vente de produits naturels, genre, vous vous souvenez, à un moment donné, c'était l'huile d'émeu, après c'était Melaleuca, puis bon. C'est pas que c'est des mauvais produits, puis tout, c'est la structure de ces affaires-là que, dans le fond, bon. J'ai une conjointe, à un moment donné, qui était revenue du travail avec des boîtes, là. Puis elle m'avait dit, oh, mais là, elle avait essayé de m'expliquer ça. J'ai dit, bon, là, on va s'asseoir, on va parler. C'est quoi une pyramide? On va jaser un peu. Hein? Bonjour, Benny Nero. Noé, bonjour. J'ai laissé un com à Pilon. Attention, hein. Qui vous suivez, moi. Ben non, j'étais au courant. Et le gars, il est planificateur financier, il est conseiller financier, il le sait. Il le sait, tout est pyramide. Mais là, ça dépend, là. Mais là, c'est parce que là, on tombe dans des affaires que les derniers qui vont, bon, en tout cas. Vont rester avec le stock, là, peut-être. Mais là, ça dépend. Je ne vais pas regarder en détail. J'ai écouté une vidéo d'une minute, là. Les supposés résistants à vendre des produits naturels. Ben oui. Ben oui, puis c'est pas mal tout ça. Hein. Et voilà. Et voilà. Ils ont. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est sûr que ça aide pas, ça. Hein? Regarde en détail. Moi, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais ma mère travaillait pour Herbalife il y a 30 ans. J'ai encore les cassettes VHS. Ah oui. Ben, peut-être qu'un jour, ça va avoir de la valeur pour les. Hein? C'est-tu vrai que les profs d'économie sont ceux qui ont échoué en finance? Ben oui, sinon, ils ne feraient pas ça. C'est l'évidence même. C'est un peu comme les conseillers financiers. Je veux dire, s'ils savaient comment être millionnaire, ils feraient pas ça. En tout cas, mieux vaut en rire. Ben oui. Si vous regardez ça va vous donner des idées pour acheter. Bon, non. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Pourquoi ça t'intéresse d'en parler? Ben, parce que j'en ai pas de sujet. J'en ai pas de sujet. Puis c'est des choses, je suis allé voir. Je dis, je vais aller voir s'ils ont sorti. Les entre guillemets lanceurs d'alerte, parce que ça ne correspond pas à la définition, mais j'ai dit, je vais aller voir s'il y a du nouveau qui sort, s'ils ont de l'information intéressante, puis c'est des affaires de même que j'ai vues dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Puis ailleurs, c'est d'autres affaires inintéressantes pour moi, en tout cas. On pourrait parler de terre plate. C'est pas si plate, ça, comme sujet. Moi, je trouve ça plate. Ça me tente pas. Ben oui, mais les partisans de la Terre plate, reprenez-les, les calculs de Copernic, puis démontrez-nous que ça marche pas. Bonne chance. Faudrait premièrement commencer par le début. Hein? Parle de toi, j'ai rien à dire. Terre plate, moi. Vous vous souvenez d'un bougon, là, à un moment donné, le monon qui travaille dans un magasin de meubles, puis il essaie de vendre une télévision à une femme. Puis c'est les nouveaux écrans plats. Ça fait quand même un bout, cette série-là. Puis là, il dit à la femme, il dit, vous voyez la différence, cette télévision-là, c'est que la TV est plate. Puis là, elle dit, je le sais que la TV est plate, ça fait 40 ans que je la regarde. Hein? Joe Blanchette nous l'a prouvé. Bon, lui, je n'ai pas regardé ce qui était allé. Je n'ai pas regardé de rien, mais. Donc, je sais vraiment, là, c'est pas des jokes. Ah oui, quoi ça? Joe Blanchette, j'ai pas vu. Je t'avoue, je n'ai pas allé voir de son côté. Bonjour, si je téléphone vers l'autre côté de la Terre, il fait nuit quand chez moi il fait jour, voilà. Moi, ben là, en tout cas, la loi de Murphy, est-ce la première preuve que le hasard n'existe pas? Je pourrais pas vous dire, parce que moi, je suis pas très brillant intellectuel. Puis d'ailleurs, je pense que ça sert à rien. Mais ben, franchement, il faudrait que je regarde ça, puis je me suis jamais intéressé à ça. Je me suis jamais intéressé à ça. Prenez, bon, Denise Bombardier, qui est décédée récemment, est très intelligente intellectuelle. Mais pas, c'est pas pareil, là. Je veux dire, c'est la conscience, l'intellect, c'est pas pareil. Moi, je la pensais pas méchante. Je pense qu'elle y croyait. Et voilà. Bonjour à tous, bonjour Roselyne. Marie-Jeanne, des gens, quand ils disent la terre est plate, je dis, on va acheter un rouleau pour la poterie et on va aplatir comme ça, elle va être plate, moi. Ben, c'est parce que ça, j'en ai parlé souvent. Moi, ça change rien, là, la forme de la terre, là. C'est pas de ça que je m'occupe. C'est pas de ça que je m'occupe. Ça change quoi? Quand même, elle sera en forme de donut ou de peanut ou de poire, comme la mission de l'esprit sien l'enseigne. Ça change rien sur le fait qu'on se fait fourrer à sec et qu'on n'est pas maître de notre vie. Hein? Bon, ça change rien à rien. Je ne crois pas au hasard. Ben, moi non plus. Tout le monde a sa programmation. Ben oui. Ben oui. Heureusement d'ailleurs. Hein? S'il fallait penser d'une façon active à chaque chose qu'on fait, comme le système sympathique, par exemple, ça irait pas bien. Mystère. Bertel, tu as énormément de connaissances au niveau de l'histoire et des artefacts. Ton côté intellectuel est quand même profond, non? Non. Non, parce que j'ai pas de. Comment je pourrais dire ça? Je suis un autodidacte, premièrement. C'est pas de l'intellect au sens académique. Mais alors là, pas du tout. Puis j'ai toujours eu du. Ben regardez-les, là, c'est des universitaires, hein, les lanceurs d'alerte, les pires, je trouve. Bon, c'est ça. Moi, à mes yeux, l'académisme, c'est pas, ben, pour, on peut plus parler de ça maintenant, là, parce que c'est des lobbyistes qui contrôlent les institutions d'enseignement, mais c'est du conditionnement, à mes yeux. Puis, ce qui est réel, c'est tout ce que vous pouvez acquérir en tant qu'autodidacte, c'est tout. C'est tout. Tout le reste, c'est du conditionnement. Donc, bon. Hein? Est-ce que je pense. OK. Donc, moi, ben non, j'ai aucune formation académique. Vraiment aucune. Puis, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Quand j'étais membre de des cercles de philosophie, là, avec, il y avait beaucoup d'Européens, puis là, sont accrochés sur Henri Bergson, Michel Foucault, l'intellect, puis la conscience, c'est pas pareil. Michel Foucault, il allait au Maroc pour violer des enfants, à un moment donné, là. Puis ceux qui ne me croient pas, ben, il l'a écrit lui-même. Il l'a écrit lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens-là, à mes yeux, c'est de la pollution. L'intellect, c'est de la pollution. Prenez Denise Bombardier, très intelligente intellectuellement, aucune conscience. Mais vraiment aucune. Elle s'est fait avoir d'aplomb. puis ils finissent tous par se faire avoir. Comment je pourrais dire ça? L'instruction, c'est une mise en condition du conditionnement. Tu as parlé des logements supervisés à Shawinigan la semaine dernière. J'y ai travaillé, ma conjointe y travaillait encore tout récemment. Je vous assure que ce n'est pas intentionnel. Ah oui. Ben, peut-être pas. Je sais pas, mais moi, je pense que peut-être ça va faire l'affaire de. J'en ai vu des affaires de même dans une autre ville, puis j'ai été un petit peu dans le communautaire, mais je le sais pas, là. J'ai dit ça comme ça. Mais il reste que je trouve ça. En tout cas. Carl Zero, il parle combien ça coûte un enfant pour les trafiquants. On vit dans un monde des fous. Ben oui. Mais ça a tout le temps été comme ça. C'est juste que. Là, il y a comme une normalisation. Tu es en train de devenir un sujet public. Alors qu'avant, ben, c'était plus tabou. Donc, peut-être que ça va aller vers. Justement, peut-être que là, on va pouvoir. Il va y avoir une vraie évolution là, au niveau sociétal parce que faut au moins que les gens se rendent compte que ça existe. Hein. Puis, il y a un journaliste qui nie ça, qu'il n'y a pas de trafic humain d'enfants. Aujourd'hui, il se discrédite totalement. Là. Il se discrédite totalement. C'est quoi qui s'est passé à Shawinigan? Ouais. C'est ça. Il y a eu de la fumée. Non, à Shawinigan, il y a des logements supervisés qui ont passé au feu. Puis c'est ça. Devrions-nous avoir autant accès à notre mémoire morte où la conscience choisit nos mémoires en fonction de la mémoire sélective? Pour appuyer la direction de notre parole. Ça dépend. Ça dépend. Mais j'ai remarqué, moi, j'ai pas accès à mes archives comme je veux. Donc, puis c'est au niveau technique, ça me nuit. Puis par rapport à exercer ma parole, c'est quand justement je réfléchis pas. Comme là, c'est pas ce que je fais, là, quand je fais des directs, on jase. Mais comme les audios que je fais, là, c'est vraiment dans un autre état, là. C'est pour ça que c'est des audios. Enfin, je veux pas qu'on me voit. Je veux pas qu'on me voit. Mais c'est même des fois, quand je suis avec David, des fois, j'ai des petites phases. Mais il faut que je le relise. Là. Devrions-nous avoir autant accès à notre mémoire morte ou à la conscience choisit nos mémoires en fonction de la mémoire? C'est pas ce que je vis. C'est pas ce que je vois. Mais oui, peut-être que ça devrait aller de plus en plus vers ça, en fonction de la mémoire sélective, pour appuyer la direction de notre parole. C'est vibratoire, hein, la direction que ça prend. Donc, je le sais pas. Ben, c'est sûr, il faut que ça soit au-dessus de la mémoire mécanique, ces phénomènes-là. Si on voit ce qui sert, ça devrait se faire tout seul, d'une façon tout autorégulée. En tout cas, je le vois comme ça. Bonjour, Christiane. Bonjour, Max. Prends-tu du cannabis? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça répond à votre question? Non, puis moi, les poteux, j'ai de la misère à se les sentir. Bon, le monde qui prend du pot, j'ai de la misère avec ça. Ben franchement, pour être franc, là, les poteux, j'en veux pas autour de moi. Oui, OK. La dernière fois, on a parlé de remote viewing. Le nom de la personne est Edward Riordan, j'avais oublié son nom. Ah, puis moi, j'ai oublié de quoi on parlait. Mais franchement, quand tu fais des audios, j'imagine que tu ne te souviens plus de ce que tu as dit. Tu dois par la suite réécouter pour savoir ce que tu as dit. Oui. Oh, oui. D'ailleurs, il y a un audio que j'ai fait, puis je ne l'ai pas mis en ligne, puis je me disais, il va falloir que je fasse du montage parce qu'il y a des choses qui sont trop délicates. Puis par après, sans m'en rendre compte, montrer comment j'ai une mémoire. Je l'ai effacé. Je l'ai détruit. Moi, le pote, je suis pas capable. Moi. Ben oui, mais là, c'est parce qu'il y a un temps pour ça. Puis moi, c'était quand j'avais 14, 15, 16 ans. Puis c'est là que j'en ai pris, entre autres. Puis des fois avec des amis, quand j'étais dans la vingtaine. Mais à un moment donné, quand que du monde sont rendus à 40, 50, 60 ans, puis c'est encore tout leur quotidien tourne autour de ça, puis que c'est ça qui est le milieu de leur vie, puis qu'ils en ont besoin, par exemple, pour faire certaines activités, moi, je considère qu'il y a un problème. Un sérieux problème. C'est pas que c'est des affaires. Bon, à un moment donné, le pote, là, il y en a, ils ont besoin de ça pour dormir, ils ont besoin de ça, c'est rendu, ils ont besoin de ça pour manger. Non, non. Quoi qu'il marche pas, là. Puis, je vois certains liens avec certaines affaires. Frank, c'est tout. Sketch. Guy Ménard, c'est qui ça? Bon, ça ne peut pas vous adresser à quelqu'un d'autre. Prenant en Inde la secte, là. Comment ils s'appellent, dont eux autres? Ils se poudrent avec de la cendre de mort. Puis ils mangent des bouts de cadavres. Ils vivent dans les coins où il y a les crémations des corps. Ben, eux autres, ils fument du pot à la journée longue, là. En tout cas, hein? Les événements qui sont jugés de sujets de conspiration quand ils sont apportés au grand jour, c'est souvent une instrumentalisation pour le débalancement émotionnel, oui. C'est pour ça qu'il y a des affaires, je ne m'intéresse pas trop, parce que c'est de la guerre psychologique. Quand bien même ce serait vrai, je perds de l'énergie et je peux rien faire. L'information ne va pas. Jabba de Babylone, décodé, FR, il parle de Horde de Chaos et d'autres choses. Ah oui, il y en a pas mal qui en parlent. J'ai fumé à 13-14 ans, tu potes, c'est tout. Moi, ben, t'as le temps. T'as le temps. Moi, je fume, mais vraiment rarement, contrairement à il y a 7 ans où je me levais avec un joint. Ah oui. C'est là que ça devient. Je ne suis plus capable de fumer du pot comme avant. Bon, ben c'est ça. C'est une phase transitoire. Je fumais du pot dans mes études avec BDM quand j'ai su que la passée venait d'ailleurs. J'ai pu expérimenter. Étant gelé après 2 semaines, j'avais tout lâché. Aucune addiction maintenant. Bon, mais moi-même, j'ai des addictions. Ben, deux addictions. C'est le café, entre autres, mais je pourrais pas arrêter le café. Mais c'est pas une addiction vraiment, dans le sens que ce qu'on pourrait du jour au lendemain. Oui, c'est une secte en Inde qui prie Shiva, car leur Dieu, c'est un fumeur de pote. Ouais, ils sont assez dégueulasses, eux autres, hein. Il y a de quoi qui était. C'est certaines forces dans toute leur splendeur, hein. Leur splendeur. Imaginez, là, vivre comme ça. Ils ramassent des bouts de cadavres dans les eaux du Gange, puis ils les mangent. Ils les mangent. Ce serait intéressant au niveau médical d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils viennent pas malades, par contre. Ça, j'avoue que c'est pas normal, là. Ils mangent leurs excréments. Ils boivent leur urine. Puis le gouvernement indien, ça intéressé. Du pot, ça veut dire quoi? C'est du cannabis. Le cannabis, c'est un peu démotivant pour travailler à l'école, par exemple. Moi, ben, c'est parce que ça mobilise l'énergie psychique d'un coup, puis après, il n'y en a plus. Ben, les gens qui fument du pot pas mal, ils rêvent pas. Il y en a beaucoup qui rêvent pas. Puis là, après, quand ils arrêtent, là, ils ont des rêves, puis ils ont des rêves. Ça revient, hein, ça. Donc, en tout cas, je suis hors sujet, mais je serais bien curieux à quel endroit tu te procures ton thé. Il semble être assez de bonne qualité. Oh, à plein de places différentes. Plein de places différentes. C'est sûr que les meilleurs fournisseurs, c'est dans le Henan puis le Yunnan. Donc, puis le mieux, c'est de l'acheter en galette, là, en gâteau de thé compressé. Puis, bon, des fois, vous pouvez vous en procurer, des fois, de bonne qualité, mais là, c'est des ventes aux enchères. Puis ça peut monter, mais avec un gâteau de thé, vous faites plusieurs années, là. C'est énorme comme quantité, vu que c'est compressé. Donc, il y a des briques aussi. Mais il y a certaines maisons, ça fait tellement longtemps qu'ils sont ouverts, puis vous pouvez pas vous tromper. Étant donné la façon dont c'est emballé. Puis il y a des certifications et on des affaires un peu comme appellation d'origine contrôlée. Puis donc, mais là, c'est de la recherche. C'est de la recherche, je ne peux pas la faire à votre place. Parce que moi-même, des fois, quand un fournisseur a plus tel. Parce que aussi, c'est comme le vin, hein, il y a telle année, c'est une bonne année. Puis bon. Donc, quand un fournisseur en a plus, là, je saute à d'autres. Mais je les note, hein, je note les adresses. Puis, mon système nerveux supporte très mal les psychotropes de toutes sortes. Par contre, bon, c'est comme n'importe quoi, c'est-à-dire que. Vous seriez surprise probablement que à quel point vous êtes capable de vous adapter si vous y alliez progressivement. Mais là, c'est pas un conseil, là. Oui, c'est vraiment dégueulasse. J'ai vu un reportage sur eux il y a quelques temps. Ah, ben peut-être qu'on a vu le même. Je savais que ça existait, mais je pensais pas que ça existait encore. J'avais vu dans des fois, je pense, des ethnologues, des anthropologues qui abordaient cette secte-là parce qu'ils sont marginaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pensais pas que ça existait encore. Je pensais que le gouvernement indien, maintenant, il était du genre à empêcher des pratiques comme ça. Mais non, ça a l'air que ça continue. Ça continue. C'est un peu, ils font penser un peu à les premiers cyniques. Vivait avec des chiens puis qui se met dans la rue. En tout cas, c'est assez spécial. Ah, Manon, bonjour. Bob Marley ne devait pas beaucoup rêver parce qu'il fumait comme trois pompiers, moi. Oh, vous savez, moi, je suis pas un fan, hein, des ben-ben, de musiciens, de les récents, là. Les derniers siècles. Ben, le dernier siècle. C'est-à-dire que ben regardez là, le jeune homme là, qui s'est fait tuer par la police en France puis que ça a fait des émeutes. Il était dans un clip d'un rappeur. Connais-tu le parti politique de l'Union nationale? Ben oui. Ben oui. Historiquement, c'est un de nos plus importants. Dans le fond, c'est une fusion entre les conservateurs et certains libéraux qui étaient déçus de leur parti. Mais là, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, mais ben oui, c'est Duplessis. Duplessis, c'est un conservateur à la base, puis il a fondé une union, une coalition. Certains libéraux déçus parce que c'était corrompu pas mal, là, hein. Puis c'est comme ça qu'ils ont créé l'Union nationale. Mais parlez-moi pas de l'Union nationale de Jonathan Blanchette, là. Ça, c'est pas pareil, là. Ça n'a plus rien à voir, là. C'est autre chose, ça. Bon, en tout cas. Avez-vous entendu parler de Tai Ngoc? Il dort pas depuis 61 ans. Je ne sais pas, mais bon, il faudrait le démo. Vas-tu refaire un enregistrement avec mon œil, David? Je ne sais pas. Ça se pourrait, ça dépend tout le temps des disponibilités de tout le monde. Moi, je fumais beaucoup de potes et je rêvais beaucoup. Et depuis que je fume moins, je rêve trois fois plus, moins. Ben, à la fois, j'ai une accoutumance qui se crée. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui fume à tous les jours, tout le temps, c'est sûr qu'il va rêver pareil. Donc, c'est la même partie pourtant. Ben, non, pas du tout. C'est le même parti en non. C'est le même parti en non, mais ça n'a rien à voir, là. Point franchement, mais non, c'est pas le même parti, là. Dans le fond, c'est le même nom, c'est le même logo. Mais c'est pas le même esprit, là. Hey, c'était un parti qu'il y avait des médecins là-dedans, il y avait des notaires là-dedans, il y avait c'était surtout des notables. Prenez Maurice Duplessis, c'est un avocat, c'est le fils d'un juge. Son père, c'était Néré Duplessis, un juge de Trois-Rivières. Puis dans son parti, il y avait des notaires, des dentistes, il y avait des gens d'affaires beaucoup. C'était des notables surtout. Mais maintenant, le chef, il se promène avec une tuque nounours. Puis il fait des lives, il est gelé comme une balle. On n'est pas me faire à craquer, c'est le même parti, là. La politique, c'est une guerre d'image, entre autres. Donc, faut au moins maîtriser ça, là. Je veux dire, c'est du marketing aussi, là. Donc, c'est important d'avoir. Bon, hein, je veux pas. Non, ben non, c'est pas le même. Mais... Bon, non, c'est certain que là, c'est plus un esprit criminel dictatorial que libéral. Ouais, ben c'était ça pareil aussi dans le temps aussi, là. Mais dans le temps de. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Voyons. Ah, ils ont été au pouvoir, les libéraux, ils étaient au pouvoir, ça faisait 30 ans. Voyons, comment il s'appelait, lui? C'est Camille Duchamp, d'habitude, qui joue tout le temps ce gars-là. Il est un vieil acteur qui est décédé. J'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, pour les personnes qui ont des maladies de peau comme le zona, l'eczéma, il faut voir un coupeur de feu. Les adresses, vous pouvez trouver dans les hôpitaux. Oui, en France, en tout cas. Ouais, Duplessis, non, je parle de celui qui était chef des libéraux. Auquel Duplessis s'opposait, premièrement, en tant que conservateur, puis après qu'il y a eu la coalition qui a été l'Union nationale. Voyons, c'était qui, donc? C'est quoi, donc, son nom? Il est au pouvoir pendant. Ça n'a aucun sens, puis c'était tellement corrompu. Adélard Godbout, non, là, c'est après. Adélard Godbout, c'est juste après. Bonjour, Steve. J'ai un plat de mémoire, ça m'arrive souvent. Coupeur de feu ou barreur de feu. Ouais, ça revient au même. Il y en, ça dépend, là. Mais moi, ben, je sais qu'en France, il y en a qui travaillent avec des hôpitaux. Au Québec, c'est plus tout ce qui est alternatif. Pourtant, on a une tradition, hein, ce qu'on appelait des rabouteux, puis voyons, il y en avait un nom pour ça. Il y a des sujets que je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la mémoire, j'arrive pas à... Voyons, on avait un nom pour ça. Pas des raboteux, pas des ramancheurs, en tout cas. Pour moi, la sensibilité est une porte d'entrée pour l'éveil de conscience. Ça m'a toujours dérangé quand Ménard voulait rien savoir des gens qui bégayaient en consultation. Ouais, mais justement, c'est signe de quelque chose. Donc, si vous entrez, et j'ai vu ça, hein, des gens qui, dans leur vie de tous les jours, bégayaient, une fois qu'ils sont centrés, ça arrête. Puis là, il faut qu'ils apprennent à développer ce centre-là pour rester dedans. Mais si on voit ça, par exemple, la personne, souvent, c'est parce qu'elle est. En tout cas, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais le bégaiement, ça a des origines qui ne sont pas neurologiques nécessairement, là. Donc, mais Ménard, je ne sais pas, je ne le connais pas assez. Je ne connais pas assez ce qu'il y a autour de Ménard. Mais possiblement, j'aurais peut-être eu le même agacement. C'est fatigant, le bégayage, un peu. Mais il reste que. En tout cas, Valérie. As-tu des connaissances dans le domaine? Je peux-tu me fier à toi? Ou c'est un ressenti? Ah, ben là, il faudrait que j'aille voir ce qui était dit avant. En tout cas, un ramancheux, ou un ramancheur, ou un mien. Puis, dans le langage populaire québécois, c'est devenu comme c'était souvent des fondeurs de cuillères, des excentriques, des quêteux. À l'autre, Bourne 7 heures a fini par devenir Bonhomme 7 heures. Ce qui étrange, là, un peu comme transformation du mot, puisque c'est redevenu. Mais j'en ai connu des ramancheux. Puis souvent, pas tout à fait des autodidactes. Souvent, ils ont été initiés vers un autre. Parce que c'était un don, semble-t-il, qui se passait d'une personne à l'autre. Bon, il y a des catholiques fondamentalistes qui vont dire c'est parce qu'ils ont hérité d'un démon qui donne des connaissances, puis blablabla. Mais tu sais, ben, entre vous puis moi, là, le monde qui tripe ses petites médailles bénies, parce que c'est des amulettes, tant qu'à moi, c'est des talismans, ils sont dans la magie, puis ils le savent pas, là. Comme l'affaire de se mettre à genoux devant des statues, à mes yeux, c'est de l'idolâtrie, puis ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte. C'est pas mieux, là, tant qu'à moi, là, ben franchement, là. En tout cas, on s'en mêle pas. Hein? Sinon, je vais avoir des. je trouve une drôle de coïncidence. Bonjour, Christian. Le bégaiement peut être émotionnel. Ben oui. Ben oui. Puis toujours, ben c'est lié à ma lettre, tant qu'à moi, là, souvent. Bon, on voit ça, par exemple, il y a des psychopathes hein, qui bégayent. Donc, est-ce que c'est juste émotionnel? Pourtant, quand ils sont en train de faire leurs affaires de sadique, là, ils bégayent plus. Il y a des cas comme ça. Hein? J'ai réécouté le premier 10 minutes de ton live. Je me demandais à quelle heure que tu startais. Oh, ça dépend. Ça change d'une fois à l'autre. Ils sont sous emprise pareil pour moi. Nico Cible. Harcèlement électromagnétique, vous connaissez? Ben, là, je vous parlais d'une chaîne, non, je connais pas. Mais je le sais que c'est un peu comme une forme de parasitose. Il y a des gens qui ont une certaine paranoïa, puis ils pensent qu'ils sont harcelés par des technologies. En tout cas. J'ai consommé longtemps, j'en fume encore, mais on dirait que je n'ai plus l'envie, comme par exemple de le disant. Ah, ben c'est quand même bien, en tout cas pour les finances, j'imagine, ça revient cher à un moment donné. Mais c'est un peu comme moi, puis l'alcool. À un moment donné, je ne tentais plus d'en prendre de l'alcool. De toute façon, j'aime pas l'effet de l'alcool. Moi, ce que j'aimais, c'était le goût. Mais ça me reprend l'été quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, des fois, ça me reprend, mais c'est surtout parce que j'ai chaud. J'ai eu chaud. Mais à part ça, là, je serais bien curieux si Bernard a déjà envoyé chier du monde gratuitement dans le sens qu'il était utile de le faire à partir d'une perception d'imprévisibilité. Moi, ce que certains m'ont rapporté, ça arrivait. Ça serait arrivé. Tu avais arrêté la cigarette. Ouais, j'ai arrêté. J'ai recommencé à fumer quand mon jardin s'est fait raser. Puis, depuis, j'ai arrêté des fois 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis là, possiblement, je vais réarrêter de fumer. Hein, parce que, bon. Bernard parlait en transe supramentale. Le bonhomme en avait dedans. Ouais. Ben, disons qu'il y avait des états. Moi, ce que j'appellerais un état premier, parce que je considère ce qu'on appelle l'état normal comme un état second. Donc, il retournait dans un état premier. Premier, oui, c'est vrai, ton jardin s'était fait raser par le... Non, c'est pas le propriétaire, c'est un employé. C'est un engagé. Puis d'ailleurs, j'étais allé la chercher, la propriétaire, je regarde ce qu'il a fait. Puis elle était complètement désolée. C'est sûr. C'est sûr. Mais depuis, mais moi, je m'étais tellement mis en colère. Le gars, je courais après, là, dehors. Cette année, il n'y a pas de danger que ça réarrive. Il n'y a pas de danger que ça réarrive. Puis, de toute façon, moi, je considère ça, c'est réglé. Puis cette année, mais il est beau en plus. Puis, bon, là, j'ai pas passé autant de temps que je voudrais dedans. Mais il est beau. On sait très bien que Bernard est un initié. Ça dépend ce qu'on entend par là. Bernard de Montréal était-il contrôlé, polarisé par des forces occultes? Ben, moi, je considère que oui. Dans le sens que. Il disait lui-même, c'est des hosties de chiens, puis bon. On laisse qu'on ne l'ait pas toutes, je veux dire, de l'occulte, c'est juste qu'on ne voit pas. Donc, le principal, c'est que tu es ton jardin. Moi, quand je suis sous l'effet de l'alcool, je me sens plus centrique, sauf que je peux me faire jouer des tours. J'ai l'impression que je joue à la roulette russe, moi. Moi, le mieux, c'est d'être vraiment à jeun le plus souvent possible. Là, ben franchement, là, moi, j'ai 2 jardins. Ah oui, beaucoup de patates. Bon, moi, j'ai juste des choses ornementales. Donc, David Clay serait un initié. D'une certaine façon, oui, mais ça dépend ce qu'on entend par là. C'est un terme qui peut avoir des différents sens. Moi, je ne me considère pas comme un initié, ni même comme quelqu'un de conscient, ni même comme quelqu'un d'éveillé. Mais vraiment pas. Puis, David, oui, ça dépend du sens qu'on donne aux mots, dans le sens que, bon, il a vécu des expériences. Puis, il a étudié des choses. Puis, il a intégré des choses. Donc, d'accord, tu ne te considères pas comme un initié, ben non. Initié de quoi? À mes yeux, c'est des formes, ça. Prenez Denise Bombardier. Elle se pensait bien intelligente. C'est là qu'elle s'est fait avoir par sa faiblesse qu'elle pensait être sa force, c'est-à-dire son intellect, puis elle a tout cru. Elle a tout cru, puis là, elle est morte. Pourtant, elle était avec le tempérament qu'elle avait, puis tout a été censé vivre au moins jusqu'à 90 ans. En tout cas, pour être dans un état premier, il faut arriver à se désinhiber. Oui. Oui, ben si vous ne donnez pas d'importance au fort, c'est tout le temps ça, dans le fond. C'est comme quelqu'un de gêné, c'est parce qu'il donne l'importance à la pensée des autres. Hein? Si vous arrivez à un point où même votre propre pensée n'est pas importante, c'est juste des forts. Au moins, tu le reconnais. Ben, j'ai pas à reconnaître ou à pas reconnaître. À mes yeux, ça n'existe pas, un initié. Un initié, là, si on prend le sens du terme au sens vraiment réel, un initié, c'est quelqu'un qui a acquis le droit et la capacité de savoir. Ben, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des affaires que j'ai expérimentées, que je le sais, que ce n'est pas une majorité. Mais est-ce que ça fait de moi, ils vont me mettre un titre de « je suis un initié » Moi, j'ai rien à vendre, je m'en fous. Puis, là, parce qu'il y en a pour qui le terme initié, là, ça va prendre le terme au sens des sociétés initiatiques, que je considère comme des affaires absolument sans intérêt. C'est de l'élitisme social. Donc, je ne vais pas commencer à me dire que je suis un éveillé. On en a un éveillé dans le supramental. Il lui dit qu'il est un éveillé, puis il est un éveillé, puis il est un éveillé, puis il croit tout ce qu'ils disent à la télévision. Il se fait mener par le bout du nez. Méchant éveil. Dès que vous vous pensez éveillé, vous êtes en train de vous endormir. Dès que vous vous pensez un initié, vous êtes en train de vous couper de quelque chose. Je ne peux pas me penser quoi que ce soit, là. Je peux pas me permettre ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, c'est des pièges. Je suis pas pour psychologiser ma condition. Déjà que j'en subis, mais il y a quelque chose là-dedans qui est, c'est des pièges. Donc, moi, je pousse ce que j'ai vu des gens qui. C'est comme quelqu'un qui doute de lui-même et perd de l'intelligence. Quelqu'un qui est trop sûr de lui-même et aussi. Fait que j'essaye de pas. En tout cas, tu sais, je pense pas à des affaires de même. Vous, Monsieur Bolduc, êtes-vous un initié? Tu sais, c'est ça, là. À mes yeux, ça n'existe pas vraiment. C'est juste des formes, là. Comme Bernard de Montréal disait qu'il était un initié. Ben oui, il était un initié. Puis à un moment donné, ben, c'était pas parfait, là. Un initié, c'est quelqu'un qui se met en initiation, donc il faut subir des affaires. Bon, là, j'en parle. Moi, j'ai pas envie de me mettre en initiation. Hein? Pour être dans un état premier. OK, au moins. Ouais. J'ai été surpris de voir le nombre de fraises des champs. Oui, c'est revenu. Peut-être qu'ils ont arrêté. Il y a peut-être un petit peu moins d'aluminium dans l'épandage, je ne sais pas. Est-ce que tu te fies à toi-même et que tu n'as pas de problème à te couper du monde? Je sais que tu nous parles, mais tu le fais juste parce que tu as le goût. Ben oui, je le fais pas par besoin. Exactement, Bombardier a fait l'erreur de croire au narratif. Ça l'a tué. C'était une femme très lucide et en forme pour son âge. Elle aurait pu vivre encore 10 ans de plus. Ben oui, c'est l'évidence même. Prenez Martineau. Son garçon, il y a un de ses enfants qui est, bon, il a des effets secondaires. Puis à l'âge qu'il avait, il était même pas en danger de rien. Donc, c'est qui le parent irresponsable? C'est qui le parent irresponsable? C'est qui le coucou? Hein? Gros Chris d'épée. Hein? Le droit de dire ce que je veux, il a chier tout le monde, lui. Désolé, là, mais quant à job, là, c'est d'être un polémiste. D'ailleurs, Denise Bombardier, c'était ça, sa job, c'est une polémiste, dans le fond. Okay. Bon, mais coudonc. Dès qu'on dit je suis, on est cuit. Oui, c'est ça. Dès que vous dites je, vous perdez de l'être un petit peu, peut-être. Parce que ça va dans l'intellect. Donc, bon, là, j'en perds un peu. Il y en a qui se prennent pour des chevaliers templiers, ouais. Ah oui, ceux autres. Bon, j'en parle peut-être. Maudit que j'ai ça, là, ces machines-là. OK. Date de naissance, date de décès, 4 juillet. Ah oui, éveillé, c'est pas croire à n'importe quoi ou n'importe qui. Ouais. Oui, je suis une initiée. Ben, va voir ailleurs. Parce que, à date, la preuve que j'ai, vous êtes prétentieux. Je ne l'ai pas créé, mais c'est venu à moi. Ah bon. Ben, c'est pas la vraie, c'est pas un initié réel à mes yeux. Dans le sens que ça vient pas de dedans, ça vient de dehors. C'est venu à vous. Je sais pas, là. Voyez, là. Moi, je vous trouve, M. Bolduc, c'est pas la première fois, là. J'aime pas votre vibration. Je vais être bien franc, là, comme j'ai déjà vu avant, là. Puis je trouve, je sais même pas ce que vous faites là, dans le fond. Vous êtes là pour me picasser. Vous êtes là pour me picasser. Vous êtes là pour venir, ben justement, vous vous donner une mesure. Oui, je suis un initié. Fait que là, vous voulez me mesurer. Moi, je ne vais pas me mesurer à part ça. Puis là, en plus, là, votre pigard à tête blanche, là. Drette, là, j'aime pas la forme. Pas la forme. C'est très dur pour l'ego, l'éveil à la conscience. C'est fini qu'on ne s'intéresse plus à ces choses-là et ça nous force à vivre dans nos vieilles pantoufles comme si le supramental n'existait pas. Attends, il faut que je relis ça. C'est très dur pour l'ego, l'éveil à la conscience. C'est fini qu'on ne s'intéresse plus à ces choses-là et ça nous force à vivre dans nos moindres. Ben, dans le fond, les frais sont revenus dans ta région. Oui, supposément, mais moi, j'en ai pas vu. Je me suis pas promené. J'écoute beaucoup de vieilles vidéos de supramental depuis quelques années. Attendez, là. Oh, wow, oh, j'en ai perdu, là. Essayez d'écrire moi un petit bout, là, pour que j'arrête de... Je suis médium depuis 2004. Voyez, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème au niveau de la forme. Médium, c'est un terme qui a commencé à être utilisé au 19e siècle, au niveau de la métapsychique. Un médium, c'est quelqu'un d'intermédiaire. Donc, un médium, il y avait tout le temps un guide. Ou c'est ça, un médium. Un médium, c'est quelqu'un qui sert d'intermédiaire avec d'autres choses. C'est pas pareil comme quelqu'un qui se dirait un voyant ou quelqu'un d'extralucide. Juste la forme que vous utilisez. Juste la forme que vous utilisez est astrale. Vous êtes un médium comme Eusapio Palladino. Hein? Christian, je ne sais pas si vous êtes un initié. Un initié ne provoque pas comme vous dans le monde. Ben en plus, parce que vous tirez dans le pied. J'ai fait de la numérologie, Bombardier. La numérologie, ah bon. Un initié, moi. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a qui... Attends, là. Je suis sûr qu'il y en a qui t'écoutent ça, TV, en famille. Je suis pas prétentieux. Je t'explique que je suis un initié. Ouais, mais c'est parce qu'un initié réel, il va pas ressentir le besoin de m'expliquer de quoi. Puis qui parle rien de... n'avait pas d'autre sujet que vous. Ben, c'est pas intéressant. Ça apporte rien. Vous êtes un... Moi, je vous considère comme un troll. Puis c'est pas la première fois. Vous êtes juste un troll. Je vous l'ai dit le dernier coup. Vous êtes un grossier personnage. Pas dans le sens comme quelqu'un de grossier ou de vulgaire. Mais je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je veux dire par là. Parce que c'est de la façon que votre comportement... comportement. C'est pas la première fois que je vois ça. Ben, dès qu'il y en a un qui s'en va, il y a un autre médium de ces affaires-là qui vient. Puis je ressens les mêmes affaires. Les mêmes affaires. Hosties qui sont fatigantes. Vous êtes des hosties de fatigants. Dans le fond, vous avez trop de temps libre. Trop de temps libre. Vous vous ennuyez, je pense. Hein? Ça sort de l'ennui. Si l'on converse, moi, je ne m'ennuie pas, là. J'ai d'autres affaires que je peux faire, là. Puis si je ça devient désagréable, m'a câlissé mon cœur, puis je vais dire au monde, ben, Bolduc, il m'énerve. Fait que bye-bye. Puis là, vous allez voir comment le monde va vous aimer. Puis dès que vous allez apparaître dans le prochain chat, hein? Tu es libre de croire ou pas. Non, c'est pas vrai. Vous êtes donc ben cave. Croire ou pas, justement, c'est de la non-liberté. Il y a de quoi, c'est parce que c'est pas créatif. Si le monde y croit, si l'être humain est obligé de croire, c'est parce qu'il est polarisé entre le doute et la croyance, justement. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Donc, si vous avez le choix entre une polarité, genre croire ou pas croire, vous n'êtes pas libre. Je veux dire, il y a de quoi là-dedans qui. Bonjour, Jean. Comme là, tu me pourris le chat, exactement comme un autre me faisait. Tu as la même vibration que lui. Donc, ça a même peut-être la même affaire qu'en arrière, mais je ne peux pas vérifier. Moi, j'écoute ta vibration avec David, lève et puis je picosse. Quoi, rien, tu es entêté. Ben oui. Mais Chris, jamais je vais me laisser faire par des hosties de nabos. Parce que t'agis comme un nabo. Vraiment, ça apporte rien, c'est plate, t'alourdis le chat, tu parasites, t'agis comme un hostie de parasite, une crise de nez et de mouche, puis comment je pourrais dire ça? Il y a un manque de courtoisie. T'agis en troll. Crise d'escabochon, esti de sans-dessin. Penses-tu que moi, je vais me priver de te dire, ben là, t'es pas le bienvenu, comme j'ai été obligé de le dire à d'autres. Comme j'ai été obligé de le dire à d'autres, qui comprennent pas que la territorialité, c'est l'émission d'un champ, que c'est pas nécessairement psychologique. Mais en plus, je veux dire, tu me sors à rien d'intelligent jamais. C'est tout le temps des esti tirs dans le pied. À un moment donné, tu te mets en initiation en venant m'achaler. Un initié troll, moi, c'est ça. Hein? Moi, je t'avais d'arrêter parce que ça veut dire quoi la numérologie? Vous m'avez dit, c'est ça, t'apportes des affaires qui servent à rien. Qu'on s'en calisse. Bon, là, j'en ai manqué. Quand tu me remplis le chat, puis je perds du monde. Genre, je peux plus. En tout cas, moi j'ai eu OK. Initié, Christian Bolduc, ça veut dire OK. Bernard a déjà dit qu'un initié, dans le sens qu'il a parlé, était un grand ami, quelqu'un qui est capable de s'ajuster à tout le monde, est capable de comprendre et d'aimer des gens sans juger. Ouais, mais lui-même, il se faisait pas chier. Moi, il m'a été rapporté des affaires. Il y a du monde, il voulait rien savoir. Puis il dit non, lui, non. Je suis le dieu des initiés. Ton entêtement, ton ego en mange toute une. Bonne journée. C'est pas te cacher. Ben non, tu me dis bonne journée, puis après tu recommences, tu continues. T'es un hostie de cave. C'est pas la première fois. Puis tu sais, moi, je vais prendre quelqu'un. Je te l'ai dit le dernier coup. Je vais prendre un modérateur, puis lui, il s'arrangera avec toi. Et moi, je vais pas me faire chier avec un hostie de sans-dessin. Monsieur Bolduc, c'est un grossier personnage, oui. Oui, t'es mal élevé. Tu délires encore. Ben non, Chris, ce petit cabochon, tu fais tout pour me dé. T'es un esti de sans dessin. Dessin D-E-S-S-I-N, là. C'est sans dessin dans le sens, c'est quoi ton but? T'as dessin de quoi, esti de cabochon? Arrête de vouloir écraser. C'est toi, Chris, qui viens. T'es comme une mouche. Je suis sûr, esti, que je vais vouloir écraser. C'est fatigant. Bernard de Montréal est un trompeur qui a basé sa connaissance supramentale sur les enseignements luciférien d'Alice Bailey avec sa supraconscience humaine dans ses livres du New Age. Wow, là, un instant. Un instant, c'est parce qu'il y avait tout sorti des affaires que c'est bien une valeur, mais non, il n'y a pas juste ça, là. Il n'y a pas juste ça. Un médium égal fait passer des entités, voilà. Non, c'est au moins, la personne dit, ben moi, je suis voyant ou extra-lucide, c'est sûr, c'est prétentieux, mais déjà là, il sait mieux qu'un médium. Il y a une méconnaissance même de la foi. Tu cherches toujours à vouloir nous dire ce qu'on t'a dit. Ben oui, mais Chris, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton but? Tu viens me faire chier. Moi, je te le dis, t'es un hostie de fatigant. T'es un hostie de cabochon. Toi, tu veux de l'énergie. Tu viens tirer de l'énergie. Tu veux de l'attention. Chris, mets là faisant des vidéos, hostie, montre-nous ta face. Je suis allé voir l'autre jour, ton compte est ouvert cette année. T'es un hostie de troll. Puis, je suis pas là pour m'en faire chier. Puis, je vais tout le temps en avoir de toute façon. Mais moi, je te le dis, je vais mettre quelqu'un, le prochain live, là, je l'annonce, je vais mettre un modérateur. Puis à cause de Christian Bolduc, la pigarde à tête blanche en voie de disparition, puis qu'on s'ennuiera pas de sa race quand elle sera plus là. Hostie de rapace. Plus qu'on a l'impression d'avancer en conscience, plus on recule. Et voilà. Je suis médium depuis. Carlis, t'es pas capable de parler d'autre chose que toi. Tu passes pour écraser et mépriser. C'est toi qui fais tout pour ça. Tu penses-tu que si tu viens, tu t'invites chez des gens, puis tu sais, astie qu'il y en a une méchante gang, vous avez été mal élevé. Vous avez été mal élevé. Il aurait fallu que votre père vous rentre dans le mur, astie. La face, la tête, direct dans le mur, tabarnak. Décroche. C'est toi, astie, que tu lâches pas. Toi, décroche, décroche chez nous, je veux plus te voir. Astie de sans-dessin. Chris, vous le savez que je suis pas patient, que vous faites exprès. Tu sais, c'est comme tu picosses quelqu'un, tu le lâches pas, puis quand la personne se charge, regardez comment qui est. Asti, calice de Christ de Saint-Cyboire de tabarnak. Toi, tu me donnes envie d'appeler un technicien, Asti. Parce que Christ, je viens tellement en tabarnak, Asti, de calice de Christ, que je veux un mané, je veux un nom, Asti. Il est médium, je veux qu'il me dise la couleur de mes bobettes. Moi. Il connaît que la couleur des siennes, mais c'est ça qui l'intéresse. Christian, tu parles. Ben oui. C'est ça, un initié peut passer inaperçu. Moi, ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est un moi. Christian Bolduc, c'est quoi? Astique, tu je taillis, toi. Je suis pas mal sûr, t'es qui? T'es un hostie de mangeur de marde. T'es un hostie de mangeur de marde. Ben oui, les délires, quel délire. Hostie de mangeur de marde, du tabarnak. OK. T'es obligé de te bloquer. Pourquoi t'agis de même? T'sais, pose-toi la question. T'as des sérieuses questions à te poser. T'as des sérieuses questions à te poser. Sacrement d'hostie de cave. Hostie que je viens enrager. Je viens enrager, puis ils le savent, hein? Ils le savent, hein? Ils savent que je suis pas patient. Mais Chris, je viens malin, je viens malin. Calice, je pourrais t'avoir en personne, mais premièrement, tu n'agirais pas de même. Mais Chris, je pourrais te sauter dans la face, esti. Je viens tellement en crise. Bon, ça va faire. Je suis pas là pour me faire chier, moi, là. Hein? Je suis pas là pour manger de la merde. Je m'excuse à tout le monde, mais là, m'en vais. Puis, si vous demandez pourquoi je m'en vais, ben, c'est Christian Bolduc qui m'en tabarne. En plus, il s'appelle Christian. Je suis sûr que c'est un nom inventé. C'est un esti de troll de manger de merde. Fait que salut, ben. Puis, Christian Bolduc, là, étouffe-toi avec ta propre merde.